The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To hesitate. Hésiter. To taste. Goûter. Cheese. Le fromage. Strong. Fort. Something. Quelque chose. Mild. Doux. Now, a bit faster. To hesitate. Hésiter. Something. Quelque chose. To hesitate. Hésiter. Mild. Doux. Something. Quelque chose. To taste. Goûter. To hesitate. Hésiter. Mild. Doux. Something. Quelque chose. Now, use the words in context. Goûter. Taste this dessert. Goûte ce dessert. Le fromage. That cheese is very good. Ce fromage est très bon. Fort. The smell of those socks is really strong. L'odeur de ces chaussettes est vraiment forte. Quelque chose. I bought him something new. Je lui ai acheté quelque chose de nouveau. Doux. Brie is a really mild cheese. Le brie est un fromage vraiment doux. Fort. The smell of those socks is really strong. L'odeur de ces chaussettes est vraiment forte. Quelque chose. I bought him something new. Je lui ai acheté quelque chose de nouveau. Doux. Brie is a really mild cheese. Le brie est un fromage vraiment doux.